بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الآن سنأخذ الكلمات. أسألك عن كلمات الدرس الماضي. ما معنى مهن؟ سيرفيس، خدمة. نعم. عاتقة. فيتول. أعباء. أعباء. أعباء. Ah oui, j'aime Aïd Oun, mais j'ai pas une autre, j'ai pas une autre fonction. Je ferme. J'aime Aïd Oun, mais j'ai pas une autre fonction, j'ai plus le temps d'un autre. Ada Hamel, yani charge. Charge. Comment on dit la crèche? Al-Hadana. Ou alors? Ou alors, l'Iadat al-Asfand. Non. Comment on dit un penchant? Mouyoul. Mouyoul. Maternité, la maternelle. Oumouma. Comme tu vois, c'est pris de oum. Oui. Oumouma, c'est pris de oum. Istazhara. Istazhara. Mimouze. Fadlan an. Alors que dire? Oui. Comment on dit la couture? Khiyata. Comment on dit décoration? Totalise. Mamana ibtikar. Originalité. Zauk. Goût. Mamana kasirun ala. Khas. Naam. Mamana tansiq. Organisé. Manatanzim. Taïeb. La dernière fois, on n'avait pas traduit le tout début du texte. Quand on avait dit Hada unwanu al-muhadarati allati alqaha ahad al-asatidha wa hiya nassuha falnastami' ilayha wa liyakun nikashuna ba'da an nastami' ilayha. On n'avait pas traduit ça, je crois. Qu'en fait, ça, c'est le titre d'une muhadara qui était donné par l'un des professeurs. Et voici donc le texte. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dit la dernière fois, en fait, c'était une muhadara donnée par un professeur. Donc, nous écoutions et que notre débat soit autour de ce texte après que nous l'ayons écouté. Un olud nika i'arab fa yani la nastamia. La nastamia. Ma i'arab, la nastamia. فلا نستمع استمع فعل لا أولا لم لا نستمع هذه اللم ما هي لام الأمر من حروف ماذا؟ جر. جر. الحروف جر تغنوا الأفعال. حرف لام الأمر لكن dans quel genre dans quel cas il entre؟ c'est pas حرف جر. حروف الجزم. حروف الجزم. التي تجزم فعلا واحدا. طيب لام الأمر مبني à la base c'est l'inastamia, il est maksour à la base, je n'ai pas eu le fait, on aurait dit l'inastamia. Taïb, ou yastamia firme mudaria majnoun bilam al-am ou alam al-kosbili al-sukun al-dhamir al-akhir ahsant thumma qal tanhadu al-ummatu wa tastaqimu laha al-hayatu bi'ta'awun rakneiha ma ya rab rakneiha ركنيها بتعاون ركنيها سهل سهل مضاف إليه طيب مضاف إليه أحسنت مضاف إليه يعرب. لا c'est مضاف إليه. Ah, je dis juste مضاف إليه. مضاف إليه c'est يعرب. C'est le مضاف qui peut avoir une يعرب différente. Le مضاف peut être أي شيء. Ça peut être un مفعول به, ça peut être un فاعل, ça peut être un مبتدأ. Mais le مضاف إليه c'est مضاف إليه. Il n'a pas autre chose. مجرور وعلامة جره. الياء نيابة عن كسرة. لماذا؟ لأنه سي سا جو مي دي لو مو اي اوسي ركنيها. لأنه سان كوا كيس سون لي شوز كي سون مجرور بار الياء سي سيل تو تروفي تو دو سويت تا تروا شوز جمع و اسكو سي من الاسماء الخمسة؟ اسكو سي ان جمع مذكر سالم؟ نو يستو كوا مثنى ركنيها. C'est deux piliers. D'accord, mais en fait, le ha, il revient à quoi alors? C'est aussi un moudaf. Hein? Rokneya, c'est un moudaf. Ça revient. C'est aussi un moudaf. C'est aussi un moudaf. Dans son arabe, on dit moudafilei. Oh, oui, c'est moudaf aussi en même temps. Ah, et le ha, il revient à l'umma. Ça suffit de dire ça. Taïb. Il est où le noun? Moufana, à la base, c'est alif wa noun fi raf ou ya wa noun fi naf wa jar. Taïb, quand il est moudaf, le noun il saute. Ou plutôt, il tombe. نعم وكل ميسر لما خلق له ما يعرب كل ميسر كل مبتدا كل مبتدا ميسر ميسر خبر خبر نعم تحت حتى وجدنا بعض الأطفال يتعلق بمربيته وبتعليم معلمته تعلقه بأمه ما إعراب تعلقه C'est quoi le mot que tu m'as demandé? Ta'alluqahu. Yata'allaqu bi murabbiyatihi wa muallimatihi ta'alluqahu bi ummihi. Ma ya rab ta'alluqahu. مفعول مطلق احسنت طيب نتمريد اي اون دي بور لو هان دي كوا دي جوست مود سي سي مضاف اليه ضمير متصل في مبني على ضم في محل جر مضاف اليه طيب انسو فلقد كنا يخرجنا مع المجاهدين في العزوات ليقمنا بعملهن في الجهاد ما إعراب ليقمنا لم تعليل لم التعليل طيب ليقمنا لم التعليل المساسي من حروف النصب أصلا الحرف لم التعليل حرف الجر حرف الجر من التعليل يقوم يقومنا يقومنا فعل مضارع مبني نعم أكرم بأن المرء مبني على ماذا؟ مبني مبني مبني مبني على ماذا؟ السكون لماذا؟ هذا السكون بقول مبني تعليل سين المنصوب علامة النصب ماذا؟ أيوة. منصوب رمة النصب به ماذا؟ سكون؟ لا. لا لا سكون اللي تسأل إيد. Voilà, il est quoi? Mabni, mansoub, majrour, majzoum, il est quoi? Mansoub. Il est mansoub? Oui. Taïb, il est où ça, à la matin nasb? S'il est mansoub? Je sais pas. Donc, il n'est pas mansoub alors, comme ça alors? C'est pas l'idée de Taïb alors? Si, c'est tout ce que je t'ai dit oui jusqu'à présent. Ce que tu as dit, je t'ai confirmé. Même quand tu as dit Mabni, je t'ai dit oui. Après, c'est toi qui es venu. Je sais pas pourquoi tu as fait marche arrière. Tu m'as dit Mabni, je t'ai dit non, Mabni. Après, tu es venu non, mansoub. Je t'ai laissé voir où tu allais aller. Tu comprends pourquoi les m'amener? Je vais t'expliquer. Parce qu'il y a Nun et Niswa qui accrochaient. Il y a Koumna. Donc le fi Moudalir, s'il s'accroche au Nun et Niswa, il est même ni à Sokoun. Fi Mahal Nasb. Aïwa. Pareil, s'il y avait eu Nun et Tawkid, il aurait été même ni. Aïwa, Mani à la fête. Naam. Là, il est même ni à Sokoun et qui s'allie bi Nun et Niswa. Qui lui est un domir. Fahim ta'ada? Il est saqué, le mine, à cause du nom, ça. Ah, oui, parce qu'il m'a mis à Soukoun. Il y a un mot de mara. Jawazan. Non. Taïeb, Barda. ومما ساعد أخذنا الطاج ومما ساعد على نجاح المرأة في هذا الميدان أن في هذه منحة إشباعا لي يا je pense que j'ai pas lu إشباعا hier quand j'ai lu le texte je pense que j'ai fait une erreur en lisant hier c'est إشباعا إشباعا لي غريزة وما أمومتها ما يا رب إشباعا أنا في هذه الفراز سمعها فقط. Dans la récipe de la femme, dans ce domaine, dans sa profession, que cela a comblé son instinct maternel. Donc القبالة مع إعراب إشباعا dans le sens شابع على HBO c'est à dire ce sera sans dire ou quoi ma foi légère là non c'est pas ma foi légère. في هذا الميدان أن في هذه المهنة إشباعا لغريزة أمومتها هذه المهنة أيوة أحسن خبر خبر أن مرفوع اسمه أن أحسنت مؤخر اسم أن مؤخر على جزء كلام خير طيب تحت خامس الأعمال المنزلية يقول والبيت لا يستغني عن المرأة قط ما يعرب قط توكيد قط من ألفاظ التوكيد شو تسكن الوضع؟ تبقى بقصة عليك مو انتوكا طيب نقول سنة توكيد سنة توكيد دكوا إلي هو المؤكد الوقت المؤكد فوت أن توكيد دكوا مرأة توكيد دكوا البيت دكوا توكيد يؤكد شيئا ما هذا الشيء هنا Il n'y a pas de mu'akkad. Taïeb, quand tu mets à la bouhou. ظرف زمن أحسنته مبني على الضم طيب ثم قال في الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أريد لتسكنوا تم تعليل لأنه من الأفعال الخمسة من الأفعال الخمسة نعم بأن من مراء جوازا منصوب بأن من مراء جوازا نعم طيب تحت يقول من أنواع التدبير المنزلي فن والخياطة والتطريز وقد برعت فيها المرأة ووصلت إلى ابتكارة دلت على رقة ذوقها وصلت هذا فعل اسم حرف فعل كيف تعلم ذلك اتصال التاء تنوين الساكن أحسنت نعم ثم قال بفن الخياطة لنساء كثيرات أبواب الرزق أبواب الرزق ما يعرب أبواب وفتحت بفن الخياطة لنساء كثيرات أبواب الرزق ما يعرب أبواب نو كملت بفن الخياطة خبر اين المبتدا فتحت ابواب الرزق C'est pas un khabar, c'est un khabar plutôt, je veux dire. Allez, où sont Moumtada ? Mais c'est un khabar. Aïna Moumtada, Oho. C'est ça, on peut avoir, c'est pas ça ? Si tu me trouves Moumtada, je serai d'accord avec toi. Je sais pas ce que c'est. Il est où Moumtada ? Tu l'as inventé ? Je pensais que c'était ça. Je te relis la phrase. Smar Jayidan. وفتحت بفن الخياطة للنساء كثيرات أبواب الرزق. نائب فاعل بارك الله فيك. ما مسيفي أختار نائب فاعل فتحت. هو مضاف. ونائب فاعل مرفوع. الرزق اسم فعل أو حرف؟ الرزق اسم. كما تعلم كيف تعلم ذلك؟ دخول الألف واللام عليه. نعم و. ويقبل تنوين. عني على ظاهر نجد الظاهر نحن نضع علامة ظاهرة إلى كوا يا إل يا نترك إل و الخفض نعم parce qu'il est مضاف إليه طيب خلاص كملنا بهذا on va entrer dans le prochain de toute façon à la base on va pas le prendre c'est juste on va faire quelques exercices parce qu'il est court c'est comment écrire une lettre le smia ça ne nous intéresse pas du tout قال الدرس الحادي عشر 11e leçon. Après ça, il en restera 5. Et Bismillah, on aura terminé. Al-Khitab Rismiya. Ou Al-Khitabat Rismiya. Al-Khitabat sont les discours. Rismiya serait officiel. Officiel. Ni comme tu écris un directeur ou quelqu'un de l'administration aurait les avocats. Kerema Jadida. Khatima. Khatima, c'est une conclusion. Dans ce texte-là. Ça veut dire la fin d'une chose. Irfaq, ma'na idafa. Le fait de joindre une chose. Shahadat, dirasiya, ça c'est diplôme. Wad'un. Wad'un, ou la ma'na hal. تغيب c'est le fait de s'absenter. اتغيب سنتكون غدا ساتغيب عن الدرس je serai absent du cours. حرر يحرر هنا معنى ça a plusieurs sens, معنى rédiger. Ça peut avoir le sens de libérer كذلك relâcher. اما هنا المقصود هو الكتابة c'est le fait de rédiger. تغيب يتغيب c'est le fil de تغيب. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis ensemble. C'est le verbe. L'autre c'était le masdar. موقر أي محترم respecté. بعد عمادة في الجامعة je pense, je n'ai pas trouvé, je pense que ça y va allusion au recteur. حول هذا Imadat fil jamia dans l'université, je pense que c'est les recteurs qui veulent. Allah alam. Jarida ma'na sahifa, journal. Arfaqa yurfiqu pareil, ils auraient dû mettre avec le premier. Irfaq, c'est le masdar. Je ne sais pas pourquoi ils décalent les choses comme ça. Normalement, ils auraient dû mettre arfaqa yurfiqu irfaqan. Ça aurait été plus simple et plus facile pour le talib. Ils voient tout ensemble. Donc là, c'est le verbe de irfaq qui veut dire le fait. Le fait de faire accompagner quelque chose. Mu'ahilu. Là, c'est chasse mu'ahilu lidhalik, c'est quelqu'un qui est qualifié pour cela ou diplômé pour cela. Ça vient du mot ahl. Taqdir fil imtihan. Taqdir, c'est l'estimation, la note, les résultats. On va dire de l'imtihan. L'imtihan, c'est l'examen. Donc, dire, c'est ton évaluation, ton estimation, ta note que tu as reçue. Istiqdam, c'est le masdar d'istiqdama. Et là, dans le sens de faire venir. طيب اترك كل البدايه il t'explique comment écrire une lettre rasmiya ça nous intéresse pas trop ça تعال معي الى نماذج للخطابه الرسميه directement là تحت بسم الله الرحمن الرحيم ثم التاريخ ما هذا اللغة العربية المستوى الرابع يعني استجد اللغة العرب نيفو 4 فضيلة مدير المعهد الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا معروف فقد là c'est quelqu'un qui écrit en fait au directeur de son معهد pour s'excuser une absence qui aura lieu فقد وردت إلي برقية عاجلة من بلدي. Donc qui m'est parvenu. برقية. تعرف معنى برقية؟ On les prie dans le Mourajah du Kitab 1. Télégramme. Barqiyatun ajilatun min baladi. Un télégramme urgent de ma région. Tufidu anna alayya an ahdura l'itmam aqd qirani khilal hadha l'usbu'. Yani, qui me fait savoir qu'il me revient, yani anna alayya, on dit alayya chez, c'est tout ce qui est obligatoire, que je me présente pour compléter le contrat de mariage khilal hadha l'usbu' dans le courant de cette semaine. حيث إنني خطبت فتاة منذ سنة ولم أقعد عليها النكاح. Que j'ai fait une khidba d'une jeune fille depuis un an, mais qu'on n'a pas encore fait le contrat de mariage. فأرجو أن تأذنوا لي بالسفر لهذه المناسبة السعيدة. Donc j'espère que vous me permettrez de pouvoir faire ce voyage pour cette occasion heureuse. وفقكم الله ورعاكم. تقبلوا فائق احترامي احترامي والسلام. Acceptez parce que dire un sincère respect et salutation à la française quoi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam écrivait une lettre, il disait bismillah ar-rahman ar-rahim min Muhammad ibn Abdullah ila. Et après, il disait à Foulen. Quand c'était un kafir, il disait Wassalam ala man ittaba'a al-huda. Amma ba'du. Et après, il disait son maqsoud, sa da'wa. Et quand c'était un musulmin, les musulmans, Bismillah, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب تعال معي إلى الثالث. ثالث سي رمبير لي ترو. عندنا وضع عبر سي وضع ينغى سي وضع نعم ينتسكون سور الضاد يجعل حل منحت سي le fait d'accorder, de donner, gratifier. Thalithan at-taqdir, on a expliqué tout à l'heure, c'est la note, l'évaluation. Et arfaqa, c'est le fait de joindre, de faire accompagner. Maintenant, on a quatre mots, on a cinq phrases, il y a une erreur. Soit ils ont oublié un mot, aw hum zadu jumla, il y a une phrase qui est en trop. Donc là maintenant, on doit mettre, direct, je peux dire la phrase qui est en trop, c'est la troisième. Thalitha. طيب جمل أولى نفل مباشر الآن قال الحكومة بعض المواطنين الفقراء قطعا من الأرض لتشييد بساكنهم عليها. Que le gouvernement certains citoyens parmi les pauvres une parcelle de terre pour qu'ils bâtissent dessus leur maison. ما هي الكلمة المناسبة منحت نعم accordé donné ثانيا إن المسلمين في بعض البلاد سيئون جدا أو يا بس جدا سيئون que le des musulmans dans certains pays est très mauvais وضع نعم حل وضع فعلا. رابعا إن الذي ناله لا يتناسب مع ما قدمه. Que le qu'il a reçu ne convient pas avec ce qu'il a fourni. C'est-à-dire comme effort. تقدير. نعم. وخامسا بما يكسلا par élimination. صديقي بعض الهدايا مع رسالتي. Que mon ami avec certains cadeaux avec sa lettre. أرفقا. نعم. Qu'il a fait accompagner avec sa lettre certains cadeaux. Reviens avec moi dans le texte de la Risala. Anna ahdura l'itmam aqd kirani khilal ada l'usbu' ma irab khilal ظرف زمن. نعم. ما يعرب ولم أقعد عليها النكاح. لم أقعد. ولم هو لف. لم أقعد. أنا أريد لم أقعد. لم حرف جزم. جزم وقلب ونفي. نعم جزم وقلب. ونفي و أعقد أيوة أعقد إيش دي أعقد ما شنو إيش دي كوا أعقد فعل مضارع مجزوم بلام علامة جزمه السكون الظاهرة على آخره نعم فأرجو أن تأذنوا لي بالسفر. ما يعرب أرجو؟ فعل. نعم. فعل. فعل. مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة من عامل جوهرها الثقل. أحسنت. أن تأذنوا لي. أن حرف نصب. نعم. حرف نصب. تأذو. تأذو تأذنوا لي تأذنوا فعل مضارع منصوب بأن بأن بأن وجوبا بأن بأن علامة نصبه حرف النون حرف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأربعة خمسة أحسنت خلاص نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.